À quel moment de la vie tu penses qu'il faut descendre dans l'arène pour combattre? Forger ses armes et conquérir, défier le monde et ses principes, établir ses propres règles, pour ensuite tracer les sillons de ses victoires. Pour le commun des mortels, on te dira « à la majorité », mais pour les rois, moi je te dirai « à la naissance ». Celui dont je te raconte l'histoire est arrivé avec du sang vif et une poignée de main ferme, un regard perçant et un rythme cardiaque volcanique. Il avait cette rage dont seuls les fauves ont le secret. À défaut de l'appeler Cœur de Lion, on l'a appelé Mojaveli. Me déteste pour mon front parler, que des plaintes et des flots pareils. Passe ton temps à me comparer, comprennent pas le génie, c'est grand tard. J'ai des louis, y'a que beaucoup d'argent qui m'éblouit. Face au vélo, rien ne sert de courir. Oh oui, avion tourné, j'suis dans le Boeing. OG, que des maudits, dans le 4 ados, j'suis dans le OG. J'ai des flots pendant, j'suis dans l'érotique. Mais c'est dans le nord, est-ce que c'est gothique? Les abattres n'est plus qu'à chuter. Oui, c'est ça la conspiration. Un mouvement high, ça fuit de je faire mes investigations. Je prends des cours d'équitation, je suis le cheval gagnant de la population. Moi j'entre en armée du temps, trop spirituel, j'étais en méditation. Arrêtez de sucer les gens, c'est plus du respect, c'est de la prostitution. Tu m'attends à gauche, je t'entends oreille droite. C'est de l'anticipation. Anéantir l'opposition. Beaucoup de billets, multiplication. J'ai laissé un devoir en 10 ans, personne n'a appris ça leçon, moi je trouve la conspiration.